Voici, à 1h30 environ, de larges extraits de « La cousine bête », roman d'Honoré de Balzac, publié en 1846. Découpage réalisé et enregistré par Jean-Paul Lexis en janvier 2016.